Une grande joie ce matin, nous saluons tous les saints au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je ne sais pas comment estimer 1h30, que les diacres me signalent lorsqu'il restera 5 minutes. J'ai 1h30. Comment on a 5 minutes qu'un diacre me signale? Parce que je ne sais pas, en train de regarder, en train de prêcher, ça n'ira pas. Ça c'est le travail des diacres. Je vous remercie de tout cœur de m'avoir reçu au milieu de vous comme un homme de Dieu pour vous apporter la parole. Que chaque frère, chaque sœur qui est venu écouter la parole soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse mon grand frère, le berger Pierre Ngoindai, qui est mon aîné dans l'âge et dans le ministère, et que je respecte bien pour la rigueur qu'il a par rapport à la parole. Nous l'avons connu comme ça depuis longtemps, et il demeure la même personne, que Dieu soit loué pour cela. Nous l'aimons et nous prions pour lui. Que Dieu bénisse ma sœur Annie. Dans ces trentaines d'années qu'on s'est séparés, je les ai trouvés entourés de beaucoup de petits-fils. Hier, on a pu se promener. Ça, c'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. Moi, je l'ai connu il y a longtemps. C'est un blessé de guerre dans le domaine du ministère. Il a des cicatrices sur son ministère. Et je sais qu'il y a des couronnes qui l'attendent. Je lui dis merci de m'avoir donné l'opportunité de prêcher la parole. Que Dieu bénisse aussi notre ancien. J'ai connu son nom avant que je ne le voie. Et je l'avais dans mon téléphone avant qu'on s'est appelé, quoi que ce soit appelé. Oui, je sais pourquoi j'ai dit ça. Que Dieu le bénisse richement. Dites amen, non? Nous disons au revoir aujourd'hui. Dieu voulant, par la grâce du Seigneur, avant l'enlèvement, si on nous donne encore l'opportunité, on pourra revenir. Acceptez donc de vous lever pour la lecture de la parole. Il y a des salutations des hommes de Dieu qui vous ont salué. Même mon fils aîné à Lubumbashi vous a salué. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas les citer tous de leur nom. Nous lisons Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11. Prions. Notre Père céleste, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous voici avec gratitude devant toi, te disant merci pour tout, Seigneur. Nous sommes devant ta parole. Nous avons chanté pour toi. Parce que tu mérites nos louanges. Que la gloire te revienne, Seigneur. Descends maintenant dans ta fidélité. Parle à chaque frère. Parle à chaque sœur. Parle-moi aussi, Père. Que nous sortions de ces lieux remplis de ton esprit à toi. Parce que c'est dans ce but-là que nous avons cru ce message. Circoncis ma bouche. Enlève toute parole vaine. Circoncis nos cœurs. Que nous puissions recevoir la parole comme étant ta parole à toi. Sois avec nous du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons déjà le verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque Chapa. Le nom de la bête. Non. Il y a une virgule là, sans avoir la marque, Chapa, le nom de la bête, jina ya nyama, ou le nombre de son nom. Wala wingi wa jina lake. C'est ici la sagesse. Apa njope kwe hekima. Que celui qui a de l'intelligence mwenye kwa na akili. Calcule le nombre de la bête. Apate kuhesabu wingi ya, ya nyama. Car c'est un nombre d'hommes. Jui ni wingi ya watu. Et son nombre est 666. Na hesabu ya abu ni mia sita makumi sita na sita. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Munawezi uketi. Par la grâce du Seigneur, nous sommes en train d'achever un sujet qu'on a commencé depuis mardi. Intitulé L'heure de la tentation. Pour ceux qui n'étaient pas là et qui n'ont même pas pu nous suivre en ligne. L'écriture de base, c'était Apocalypse chapitre 3. Verset 10e, 11e. Qui dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Les croyants des âges passés, nous avions dit, ont été épargnés de ce qui va nous arriver. C'est une tentation propre à nous ici à la fin. Aucun croyant qui nous a précédés n'a été tenté comme nous le serons. Il y a des temps durs qui sont devant nous. Des temps difficiles. Si nous ne le disons pas, c'est que nous ne vous aimons pas. Il y a des temps durs qui attendent l'église du Seigneur. Et Dieu a commencé par nous avertir de cette heure de la tentation. Seul le Seigneur a été tenté de la manière que nous le serons. Le diable lui est apparu lui demandant de l'adorer lui pour qu'il lui donne toutes les gloires de la terre. Mais le Seigneur l'a chassé. Il lui a dit, il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Il l'a chassé. C'était après un jeûne de 40 jours et 40 nuits de prière. Nous l'avons vu en semaine avec le frère. Il n'y a pas moyen d'y revenir. Et nous avons fait voir à l'église que le même diable vient maintenant à nous pour nous tenter de la même tentation qu'il avait tenté le Seigneur. Devant le Seigneur, il s'est présenté lui-même. Le Seigneur, dans son corps, dans son corps, pas dans une vision. Le diable dans son corps d'ange. Et dans Matthieu 4, vous trouverez cela. Mais devant nous, il ne vient pas en personne, visiblement. Il utilise un homme, de la terre, un homme le plus considéré par tout le monde sur la terre, sauf par l'église du Seigneur. On l'appelle très saint père. Mais la Bible l'appelle l'impie. L'homme du péché. C'est cet homme-là qui est le pape de Rome. Qui sera bientôt utilisé pour nous persécuter. Oui, il y a une persécution qui nous attend. Je ne parle pas de la grande tribulation. Oui, oui, pour essayer de corriger ce que l'interprète a dit. Il y a la grande tribulation qui est devant nous. Mais celle-là ne nous concerne pas. Ça, c'est pour les méchants. Mais il y a une persécution, mangamizo, que nous allons subir. Venant du diable, permis par Dieu lui-même, pour que chaque habitant de la terre montre clairement il est de quel côté. Il y en a qui disent qu'il adore le Créateur. Alors que ce sont des menteurs. Ils adorent des hommes. Ils adorent Satan. Mais ils disent qu'ils adorent Dieu. Le Seigneur a dit dans Malachie, je mettrai de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Et c'est devant nous. Même au milieu de nous, il y en a qui prétendent croire ce message, mais ils ont une vie sale. Ils sont incrédules malgré leur présence ici. Ils ne croient pas, mais ils sont membres du tabernacle. Des frères et sœurs voleurs, impudiques, qui ne veulent pas se convertir. Eux ne veulent pas se convertir. Parce que la conversion, jusque ce matin, elle est possible. Parce que le sang de Jésus est encore sur l'autel. C'est toi qui ne veux pas te convertir. Si cette heure t'est trouvée comme cela, c'est grave. Si volontairement tu ne veux pas de ce Dieu que nous adorons, Dieu ne va pas te forcer de l'appartenir. Non! Tu rejettes Dieu, Dieu te rejette. Et le diable te reçoit. Automatiquement. Donc, le diable vient en utilisant cet homme que je viens de citer. J'aimerais revenir un peu avec précision sur certaines choses. Sur le pape qui sera utilisé bientôt là. Selon la succession papale. Et selon la prédiction de l'un d'eux, de leurs prêtres. Il s'appelle Malachi. C'était en 1113 qu'il avait prophétisé. C'était en pleine guerre des croisades. Quand l'Église catholique ravageait le monde pour forcer les gens à croire sa doctrine diabolique. Au fort de cette guerre des croisades, quand ça faisait rage, ce prêtre a dit, avant la fin des temps, il y aura une succession de 266 papes. Ça, c'est venu d'eux. Et Vatican il a accepté cette prédiction-là. Ils croient dans cela. Ils avaient même publié une liste des photos de tous les papes. Jusqu'au 266e. Ils ont mis les photos de ceux qui ont déjà été là. Et la place de ceux qui devaient suivre, c'était vide. 266. Mais il est arrivé que quand le pape François a été intronisé, il est passé pour le 266e. Pourquoi? Parce que sur cette liste-là, ils ont introduit quelqu'un qui n'est pas de leur. Le premier pape, selon eux, ils disent que c'est l'apôtre Pierre. Alors que ce n'est pas lui. Pierre, notre frère, n'a jamais été le premier pape. Il n'a jamais été à Rome. C'est un mensonge. Enlevez-le de la liste. Si nous l'enlevons, le pape François qui vient de passer, c'était alors le 265e pape. Et Léon XIV qui est là, c'est le dernier. Le 266e pape. N'attendez pas qu'il y ait un autre. Non. Pourquoi nous disons ça? Cette liste-là, le frère Franck a eu la grâce de nous mettre ça dans la lettre circulaire. Il nous a mis les petites photos, la liste de ces papes. C'est dans la lettre circulaire de décembre 2006. Donc, c'est lui que nous avons. C'est le dernier. Comme il est le dernier, il est prévu que le dernier pape devait porter la tiare Kofia qu'on avait préparé pour Paul VI. Mais que nul autre pape n'a porté. Cette tiare a une mention sur elle. C'est écrit Vicarius Fili Dei. C'est-à-dire le vicaire, le remplaçant du Fils de Dieu. Après la mort de Jean-Paul VI, on a pris cette tiare-là. Écoutez-moi, on ne l'a pas gardé à Rome. On est allé la déposer dans la cathédrale nationale de Washington aux États-Unis. Washington, la capitale des États-Unis, capitale économique, si je ne me trompe pas, ou politique, mettez ce que vous connaissez, mais la capitale d'un pays d'obédience protestante, mais qui accepte qu'on garde en son sein la tiare que devait porter le dernier pape. où c'est écrit Vicarius Filii Dei. Comme dernier pape, non seulement c'est prévu qu'il aille porter ça, il a un deuxième rôle à jouer. C'est lui qui devra réunir toutes les religions, toutes les confessions religieuses dans l'unité écuménique apocalyptique. C'est un pape de la paix. C'est par lui qu'ils diront paix et sûreté sur la terre. Et la Bible dit, lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Et ce monsieur ici, dans la prophétie, dans ce message, Dieu a donné un message par prophétie. C'était en 1954. Le 19 décembre, si je ne me trompe pas. Okay. Le frère Branham a donné une prophétie qu'il arrivera dans la suite des temps. Dans la succession des papes, il y aura la nomination d'un pape venant des États-Unis. Chose qui était impensable en ce moment-là. Lorsqu'il y aura un pape venant des États-Unis, alors on formera l'image de la bête. Je sais pourquoi je vous dis tout ça. J'aimerais qu'on puisse atterrir correctement aujourd'hui. Disait cela dans la prédication Les Actes du Saint-Esprit. Depuis 1954, dans ce message, nous attendions qu'il y ait un pape venant des USA. Ah, à un moment donné, quand François est venu, lui qui était de l'Amérique latine, et que selon leur comptage, c'était le 266e, mettant Pierre là-dedans, ça troublait un peu les frères dans le message. Il y en a qui disaient la prophétie est accomplie, frère. C'est un Américain. N'essayez jamais d'interpréter une prophétie. Laissez-la s'accomplir tel que Dieu l'a annoncé. Lui, il est de l'Amérique latine, François. Et il n'a même pas traîné. La fois passée, quand les cardinaux étaient enfermé pour voter un nouveau pape. Aux États-Unis, il savait que parmi les cardinaux là-bas, il y avait Monsieur Léon. Bon, il n'avait pas encore pris le nom de Léon parce que le nom de Léon, c'est le nom papal. Il a un nom là. Il savait qu'il y avait l'un de leurs frères là-bas. Et il souhaitait que ce soit lui. Même le président Donald Trump attendait cela. Quand la fumée blanche est montée au-dessus de la cathédrale pour faire voir qu'ils ont réussi à voter un pape, Trump a dit, je peux voir la fumée, je peux voir, je viens de voir la fumée, mais je n'ai pas encore vu le pape, je veux voir le pape. Quand il a apparu, Trump a dit, je suis content et je m'empresse de le recevoir aux États-Unis. Laissez-moi vous dire que lorsqu'ils vont le recevoir, ils auront la fierté d'aller prendre la tiare que doit porter le dernier pape qui est gardé dans la cathédrale de Washington. On va lui mettre ça sur la tête. Vous allez voir ça. Le jour que vous verrez ça dans vos téléphones, vous vous souviendrez de ce que l'Esprit vous dit. Si vous le voyez, sachez que c'est lui le dernier pape. Et notre temps, jusqu'à la perfection, à la persécution, ça sera pour peu de jours seulement. Faites attention. Et d'ailleurs, n'attendez pas de voir ça. Parce que l'Esprit vous en parle déjà. Si tu es croyant, sois alerté. Comme le pasteur a prié, Seigneur, réveille nos consciences. Que ta conscience soit réveillée. Ne sois pas comme Thomas qui voulait voir pour croire. Oh, j'attends quand je verrai ça. Tu es malheureux, frère. Le croyant croit que c'est lui qui parle ici. Ce n'est pas Jacques. Ce n'est pas Pierre Ngoï. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Mais je te dis que tu verras ça. On va lui mettre ça. Le frère Franck dit, comme c'est gardé là-bas. Il avait écrit ça. Il dit, serait-il étonnant que le dernier pape vienne des États-Unis? Parce que la tiare que doit porter le dernier pape est gardée là-bas. L'homme qui a posé cette question, il est déjà parti. Le frère Franck. Et aujourd'hui, nous voyons que ce n'est pas étonnant. Le pape américain des États-Unis est là. Tel que vous le voyez là. Souriant. Il a des démons en grand nombre, comme vous le voyez. Je sais ce que j'ai dit. Je m'adresse à l'église épouse. Il ne nous aime pas. Et lui, il ne nous aime pas. Même ses adeptes ne nous aiment pas. Vous allez le voir. Bata tout à fout à la moyenne. On vous cherchera, vous et moi. Les certains membres de vos familles, certains membres de ce tabernacle qui passent pour des frères et des sœurs, ils vont commencer à nous trahir, à nous livrer. Dans une même maison, les enfants, quelques enfants peuvent dire, oh papa, ça devient dur ça. Non. C'est là que ça devient. Mais maintenant, comment on va vivre? Nous n'avons même plus le droit d'aller étudier. On va y arriver. Il y en a qui vont se séparer de leur père, de leur mère. Dans la maison, il y a des vrais croyants qui auront comme ennemi les gens de leur propre maison. Cette écriture s'accomplira. Quand Jésus dit une chose, faites attention. Il avait dit à Israël, lorsque vous verrez Jérusalem investi par une armée étrangère, que c'est lui qui lit, fasse attention. Celui qui est dehors, qui n'entre plus. Celui qui est dedans, qui sorte. Fait. Vous connaissez la chose. Bariti pepeta entre bobeigné. Ils se sont dévorés entre eux, bobeigné. Maman la bébé va m'entendre comme qui toi ngion con. Bah la pika la courir. Son enfant on l'a cuisiné, on l'a mangé. Anazala. Elle a mis au monde. Anakuria mtoto. Bwana jiwe. Elle est marine série. Anakuria na bia mtumbo vile vile natoka. Mange même les entrailles qui sortent. Quand Jésus dit quelque chose. Frère, tel que tu es assis là. Paka vino nekana. Crains. Uogopa. Crains, je te dis. Uogopa mina kwambia. Et la meilleure manière de craindre, c'est de chercher aujourd'hui que ton cœur soit le sanctuaire du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne tabernacler en toi. Qu'il vive sa propre vie avec ses propres caractéristiques. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas sauter. C'est Dieu dans ton cœur. C'est la meilleure manière de craindre. Au vu de tout ce que je viens de vous dire, leur prophétie, notre prophétie, les choses comment elles sont rangées, c'est le pape Léon XIV qui est le dernier pape. C'est lui qui va porter la tiare. C'est lui qui sera à la tête de l'image de la bête. C'est-à-dire le Conseil mondial des églises qui est déjà fait, que les États-Unis ont déjà formé selon Apocalypse 13. C'est lui qui sera à la tête de cette union des églises et qui réussira à rassembler dans cette image tous ceux qui se disent du christianisme. C'est ce monsieur ici. Et il a tous les atouts pour le faire. Même les témoins de Jéhovah vont entrer. Même toutes les églises de réveil, elles vont entrer. Frère, ça a déjà un peu commencé. Nous sentons déjà que bientôt nous aurons la dernière prédication ici. D'abord dans notre pays, le 23 juin, il y aura un contrôle du ministère de notre ministre, c'est ce qui encore Mutamba. Constant Mutamba, la justice. Ça va nous mettre mal à l'aise. Si nous n'avons pas les droits de culte, si nous n'avons pas les documents qu'on appelle les droits de culte, on va fermer la porte. Bon, ça nous pouvons avoir sans problème. Les cartes des ministres, nous en avons, on s'est promené avec ça. Avec CMGC, nous avons ça. Ça ne dérange pas la parole. Mais ça va avancer. Il a dit, tu ne peux pas être pasteur, prédicateur, sans un diplôme en théologie. Quand les tonneries ont entendu ça, en Angola où je vais aller, bien parce qu'on m'attend là-bas, il y a des tonneries qui ont eu peur. Ils ont formé une école biblique du message. Je les ai vus en publication. Quand les premiers étudiants ont terminé, habillés en toge là, dans tout machin pour ça, universitaire là, qui ont terminé les études. Ce sont des pasteurs du message qui ont terminé les études de théologie. Loin de là, ces histoires-là ne peuvent pas nous atteindre. Nous ne craignons rien. Nous observons l'accomplissement des prophéties bibliques. C'est avec nous que Dieu va terminer son œuvre. Est-ce que vous le croyez? Oui, nous sommes la génération avec laquelle Dieu va achever son œuvre. Nous le croyons. Ils ont fait ça. Mais il peut avancer. Il dit même si tu as un diplôme de théologie, mais il faut que ce diplôme, cette théologie-là, soit d'obédience trinitaire. C'est fini, non? Ça, c'est d'abord avec ce qui se passe dans notre pays. Mais ce pape ici va réunir tous ceux qui doivent entrer dans le Conseil mondial des églises. Et non seulement ça, comme il est américain, et que l'image de la bête, comme nous l'avons vu, est formée par la bête qui monte de la terre. Les États-Unis d'Amérique, ils vont donner à l'image de la bête le droit de parler. C'est ce que nous avons lu dans Apocalypse 13, verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Est-ce que vous croyez la Bible? Est-ce que vous croyez la Bible? N'ayez pas peur, ça va arriver. Il faut tuer tous ceux-là qui ne vont pas adorer le dernier dirigeant mondial qui est le pape actuel et son image qui est le Conseil mondial des églises. Quiconque refusera la décision mentionnée dans la Bible qu'ils auront, c'est de tuer quiconque refusera. Et cette parole de poids sera bientôt prononcée. L'image de la bête existe déjà, mais elle n'a pas encore parlé. C'est avec l'homme qui vient d'apparaître que cette image va parler. Nous vous parlons des choses qui peuvent arriver d'un moment à l'autre. Ce sera quoi? Quiconque, toute église, n'est pas membre du Conseil œcuménique mondial doit fermer les portes. Pas droit d'adorer. Nous serons dispersés d'ici là. Écoute-moi bien. Si ta chrétienté est soutenu par nos rassemblements, c'est seulement parce que nous nous rassemblons, quand l'onction descend, que tu as un peu de force de vivre la parole, que tu te sens chrétien. Le jour qu'il n'y a pas culte, tu vis comme un païen. Donc, toi, tu es ranimé par l'onction qui descend. C'est ça, avoir seulement l'huile dans la lampe. Je répète, si ta vie chrétienne, d'abord à la maison, est soutenue par la prière du soir, l'exhortation de papa, et ici soutenue par les réunions, c'est ça qui essaie de te soutenir comme chrétien. Si c'est ça, frère, tu as seulement l'huile dans la lampe. La parole descend à la prédication, c'est une lumière. L'onction descend, c'est l'huile dans la lampe. Cette onction-là, elle descend dès que nous sortons. Même si tu entres dans cet temple, tu ne vas pas la trouver. Elle descend, elle part. Elle accompagne la parole qu'on prêche. Et puis elle part. C'est ça, avoir l'huile dans la lampe. Parce que l'huile dans la lampe termine. Ça se termine. On ajoute. On a ongeza tena. Il a chuka mardi, ça descend. Il a chuka mercredi, ça descend mercredi. Il a chuka jeudi, il a chuka vendredi, il a chuka leo asubuhi, il a wakisha kukalampia. Salime ta lampe. Ne vous contentez pas de cela. Église, Kanisa, écoutez bien. Musiki et Muzuri. C'est ça, Jovi, la folie Jobazimu, des vierges folles. Yaba bikira bumbafu. Tu sais que le visiteur que tu attends. Non, tu sais que. Unajua ya kwamba. Le visiteur que tu attends. Uyu mukenu kuna sisi. Il viendra au milieu de la nuit. A, ule mukenu kuna chunga, atakuja katikati ya usiku. Tu le sais bien. Unajua mzuri. Au lieu d'avoir de l'huile de réserve. Bali ya kwa na mafuta ile unachunga. Dans un vase. Muchombo. Pour que quand cette huile terminera. Wakati ile mafuta kumlaza. Dans la lampe. Tu es la grâce. Lorsqu'il frappera. Wakati atapika hodi. D'ajouter de l'huile. Uongeze mafuta. D'allumer. Ya uwakishe lampe. Et de le recevoir. Na umpokeye. Mais tu es folle. Lakini ukubazimu. Upumbafu. Tu es folle. Il t'acquisha. L'huile va terminer. Le jour vient. Où nous n'aurons plus le droit de venir nous réunir. Il est en chantant ce qu'on est là la couche. Est-ce que cette onction va continuer pour t'aider à tenir? Ce sera fini, frère. Nous pourrons peut-être nous exhorter de maison en maison avec crainte. Mais il y a déjà au milieu de nous qui vont nous trahir. Il est là en train de prêcher. Il va aller voir le frère Ngoï. On va nous empêcher de prêcher ici. Mais de maison en maison, ils ne le sauront pas. Mais il y a des frères qui vont nous trahir. Des faux frères, des faux sœurs du tabernacle. Vos frères que vous aimez, parce qu'ils sont choco, ils sont sanga, ils sont démons comme vous. Ce sont ces gens-là qui vont nous pointer du doigt. Toi, tu disais qu'il n'y a que ton Dieu. Il n'y a que ton Dieu. Voilà que le monde entier a dit que nous devons nous réunir dans l'œcuménisme. Ça, c'est que les dieux que vous avez qui refusent cette union. On va nous trahir, on va chercher à nous livrer. Si tu as l'huile dans le vase, dans quel vase? Dans le vase de ton cœur. Le baptême du Saint-Esprit. C'est ça l'huile dans le vase. Tu es garanti. Tu es garanti, frère. C'est cet esprit-là qui fera tout. Qui tiendra devant tout, qui supportera tout, qui vaincra tout. Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien du tout, rien. Quand Jésus dit rien, c'est rien. Lisons, tourner le regard vers Jésus. Paragraphe 30. C'est prêché le 29 décembre 1963. Paragraphe 30 et 31. Le temps viendra pour cette nation. C'est quelle nation? Son pays a lu les États-Unis. Le temps viendra où elle exercera toute l'autorité que la bête avait auparavant, laquelle était la Rome païenne. Rome païenne. Quand elle devint la Rome papale. Le frère Branham disait aux Américains que cette nation que vous voyez, qui est d'obédience protestante, constituée des gens qui ont fui la persécution des catholiques, qui n'aiment pas la doctrine catholique, ne vous en faites pas, c'est une nation hypocrite. Le temps viendra où cette nation protestante agira et parlera par l'autorité de la Rome païenne. Ya Roma qui pagano. Elle elle exercera. Il dit, le temps viendra où? Wakati tafika mule. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, j'étais déjà en bas. Voyez-vous, c'est ce que cette nation fera. Il dit Apocalypse 13. L'explique clairement. L'agneau sorti de la terre. Pardon? L'agneau sorti de la terre. L'autre bête sorti de l'eau. Des peuples et des foules. Mais cet agneau ici, les États-Unis, lui monta d'un endroit où il n'y avait pas de gens. C'est la nation américaine des États-Unis qui est née sur le territoire de l'Amérique où il n'y avait presque personne. Un agneau représente une religion. L'agneau de Dieu. Et souvenez-vous qu'il parla comme un agneau. C'était un agneau. Ensuite, peu après, il reçut l'autorité et parla comme un dragon. Et exerce ça toute l'autorité. L'autorité que le dragon avait avant lui. Et le dragon représente toujours Rome. Frère, aujourd'hui, le trône de Satan sur la terre se trouve à Vatican. Et ce trône a été donné à un homme. C'est le dernier dirigeant mondial. Le pape de Rome. La Bible dit, le dragon lui donna toute sa puissance, son trône et son autorité. Tel que vous les voyez là-bas. Non, frère. Non, à que Dieu soit loué. Parce que l'homme que les gens considèrent très saint. Mais nous ne voyons comment c'est l'antichrist. Voilà pourquoi il ne nous aime pas. Un jour, Jean-Paul II arrive à Nairobi. Il brandit la brochure l'antichrist. Il dit, voici le groupe de gens qui nous combattent. Ce sont ces gens ici. Ils savent. Si vous entrez dans un des bureaux du pape, parmi les il y a des photos des hérétiques. Bantomboshi, ceux-là que l'église catholique considère comme hérétiques. Ah, bale, kanisa catholique yana itasima Bantomboshi. Parmi eux, katikati yabo, il y a la photo de notre frère Branham. Peko na picha nduku yetu frère Branham. Il est compté parmi les hérétiques. Katikati ya Bantomboshi. Ces gens ne nous aiment pas. Abatu abatupenda abatutaki. Frère Branham continue. Nduku Branham anaendele. Ainsi, Ibibas, ne voyez-vous pas la dénomination romaine? Amone, zebu yaki Roma, une dénomination protestante, zebu yaki protestant, avec une marque, na picha, une image de la bête, na picha ya nyama, constituant une puissance yenye kwa uwezo, qui forcera ile takaza, tous les protestants ba protestant, à vouloir rechercher l'union. Na kutafuta muungano. Le frère Frank ajoute. Donc Frank anaongeza. Livre Apocalypse, livre scellé de Setsu. Kitabu ufuno kitabu yenye kutiwa miuri saba. Page 91. Kartasi ya 91. Ce matin ici. Yasubuhi ya leo. Au lieu de chercher de dire beaucoup amen amen. Pari ya kutafuta kusema sana amen amen. Sonde ton cœur. Uchunguze tu moyo wako. Calmement, regarde-toi. Na upone ujichunguze mzuri. Dis-lui, dis-toi. Useme ndani yako. Où en suis-je avec cette affaire? Ni wapi kule mimi nafikia na hii mambo? Toi qui as cru ce message. Wewe uliamini ujumbe. Et tu as cru ça sincèrement. Na uliamini na uwaki wote. Nous sommes avec toi comme dans. Tukuna wesa wa mu. Dans cette histoire qu'on appelle en Chiluba. Mwimambo wanaita mu Chiluba. Kantu kaluka. Kantu kaluka, c'est-à-dire kakitunga, kakushuka. Utengiriria huku. Tu peux entrer par ici. Unaanza kushinda kwa kutokea. Tu sauras pas par où sortir. Unaona vile bana bambaka milonge. Vai comment on capture les milonge. Anaingia mkintundu kinene toka, toka. Nous sommes déjà avec vous dans une histoire où nous ne pouvons plus sortir. Nous n'avons pas cru ce message par complaisance pour qu'un jour on abandonne ça. C'est ça le vrai croyant. Il sait que advienne que pourra. Non, advienne. Mais que ça me trouve en Christ. Alléluia. C'est fini pour nous. Baboué, la mukantu kaluka. C'est ce que disent les casse. Unengia mukakintu kakushuka mula utatoka. Unesha kuingia mukakintu kakushuka, now tu ne peux pas sortir. Utasema, ah. Kama njo vile miri waka kama mishkuku yake. Tu es païen. Si je le savais, je pouvais pas. Ça ne te concerne pas. Anzi hapo kwenda. Commencez déjà à quitter. Anza tu kwenda déjà. Déjà. Ushilande, ushilande. Qui va tromper qui? Utalanda nani? Quiconque croit la doctrine trinitaire. Kanamini mafundisho ya Mungu butaka. Et est baptisé. Dans votre trinité, il a la marque de la bête. Quiconque rejette ce message à main levée, volontairement, directement, il reçoit la marque de la bête. Oui, tu vas montrer que tu l'as quand la pression va venir. Je voulais lire le frère Franck. Pendo misomea nduku Frank. À la page 91. Karta si makumi tisa na moja. La seconde puissance mondiale uwezo ya pili ya ulimwengu mzima était à l'origine purement protestante. Ah, il tokea ni kwa protestanti. Les pays, non, les personnes des pays européens bantu ya inchi ya bulaya qui fuirent devant l'oppression bale barikimbiaka musongo et la persécution religieuse na mateso ya kidini, ils trouvèrent dans ce pays une nouvelle patrie. Balipata inchi kuwa inchi ya bomupia. L'association des protestants mungano ya baprotestanti dans le conseil mondial des églises mungano ya makanisa et l'image universelle de picha de l'église, l'image de l'église universelle de Rome se réunit dans le conseil des églises. C'est ça l'image de l'église de Rome. Et celui qui a la tête, c'est le pape de Rome. À la page de 92, il dit ce conseil mondial des églises là n'a pas encore parlé, mais maintenant le conseil mondial des églises a une parole de poids à faire entendre. Et c'est Léon XIV. Et peut-être Donald Trump, parce qu'il a, il a 5 ans. C'est 4 ans ou 5 ans. Donald Trump, il est comme Nitanoboul. Peut-être c'est lui. Pour Donald, j'ai dit peut-être c'est lui. Donald Trump, mais pour Léon, il est pareil. Léon XIV, je vous dis que c'est lui-même. Les deux là, ah, bah, oui. Ils vont donner le droit de veto. Bataleta, rusa yambo. Au Conseil mondial des églises, aux Nations unies. Et lorsque ce groupe aura le droit de veto, le droit de parler, il sera dit au monde entier, toute église qui n'est pas membre du Conseil, fermée. Aujourd'hui, ils se réunissent. Hein? Il y a des messes qui se font. Hein? Des messes œcuméniques. Le gouverneur va là-bas avec les méthodistes, les catholiques. Non, il y a une messe œcuménique qui sera dite pour rendre grâce à tel problème. On invite tous les pasteurs. Est-ce que vous nous voyez aller là-bas? On n'y va pas. Souvent c'est prêtre, lui qui parle là-bas. C'est toujours le prêtre. On donne à un pasteur de réveil de prier. On donne à un pentecôtiste de chanter. Mais c'est lui qui lit la messe, c'est un prêtre. Catholique qui est le chef. Et quand on invite le pasteur, vous voyez Ngoïnda y aller. Et quand on n'y va pas, pourquoi tu n'es pas allé? Déjà entendu les convoquer. Pourquoi? Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. C'est lui qui le retient est encore là. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'achever son œuvre. Mais quand cette parole de poids sera prononcée, ce sera fini. Et c'est dans peu de jours. Lettre circulaire mars-avril 2007. Mars-avril 2007, page 13. Page 13. L'Écriture nous dit que tous les habitants de la terre adoreront le dernier dirigeant mondial. Tous les habitants de la terre vont tomber dans cette tentation. Entrer dans cette histoire, c'est adorer Satan, c'est recevoir la marque de la bête, c'est adorer un homme. Et l'Église ne peut pas le faire. Comme le Seigneur ne l'a pas fait sur la montagne. Devant Satan, l'Église ne le fera pas. Quand je dis l'Église, je ne parle pas des tabernacles. Je ne parle pas de tous ceux qui sont ici. Parce qu'ici, il y a aussi il y a des menteurs, il y a des faux frères, des faux sœurs. L'Église, il s'agit des appelés et des élus. Tous les habitants de la terre adoreront le dernier dirigeant mondial et son image. Le Fofan dit, c'est cela la tentation. Tous y prendront part, à l'exception de ceux dont les noms ont été écrits dans les livres de l'agneau avant la fondation du monde. Il n'y a que cela. Il ajoute, ceux qui sont demeurés fermes dans la parole. Que Dieu écrive ton nom dès la fondation du monde. Si tu avais vu fainéant dans la parole. Non. Dans sa prescience, il avait vu le comportement de chacun de nous. Vis-à-vis de la parole de son temps, ton comportement que tu as là, Dieu l'avait vu avant. Ne te flatte pas, pensant qu'en entrant dans les tabernacles, c'est ça la preuve que ton nom est là. Non! Parce que tu es connu par les anciens, c'est que ton nom est là. Parce que nous t'appelons frère, nous t'appelons soeur, ça m'étonnerait. Frère, ou la oh, ni là les badia qui vont que je ni ce sont tes esclaves. Comment fais-tu attention? Si tu ne fais pas attention, ou t'as vaquer dans les tabernacles. Tu vas rester avec ces tabernacles que tu vois. Tu regretteras tout le temps. Dieu avait vu ta négligence. Il ne pouvait pas. Là, avant la fondation du monde, c'est-à-dire dans l'éternité, vous ne pouvez pas prendre le sang de Jésus parce que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Dans la pensée de Dieu, il ne pouvait pas prendre ce sang-là, écrire ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Si tu avais vu fainéant dans la parole, tu ne fais rien dans l'œuvre de Dieu. Tu es un fainéant. Tu n'y fais rien. Oh. Ce n'est pas parce que tu es ici que ton nom est écrit. Ce n'est pas parce que tu es mon enfant, moi, prédicateur, que ton nom est écrit. Non. Ceux-là que Dieu a connus d'abord. Il les a connus comment? Il les a connus recevant la parole avec empressement, prenant une décision ferme comme celle que Ruth avait prise. Une femme des nations qui dit à une juive: ne me presse pas de te quitter. Naomi, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, j'irai. Et qu'on a décidé quoi c'était quoi? En Ruth, il y avait un dessin que Dieu avait conçu avant la fondation du monde. Voyant l'état de son cœur, Dieu s'est décidé. Il dit: cette fille-là, je ferai avec ça, avec elle ça. Lisez la Bible. De Ruth, Boaz est tombé amoureux. A épousé Ruth. Suivez. Vous allez tomber à Jésus Christ dans la génération. Tout ce que tu es aujourd'hui, ton attitude vis-à-vis de la parole démontre si ton nom est écrit ou pas. Ce sont ceux-là dont les noms sont écrits qui n'adoreront pas. Pas les membres du tabernacle, pas les suiveurs, pas les ramassis. Tu viens croire ici, Tu viens entrer au tabernacle, te faire baptiser pour avoir une femme comme une autre sœur comme femme. Toi, c'est le mariage qui t'a ramassé. Il y a des gens comme ça. Hein? C'est le mariage qui les a amenés au tabernacle. Il fait semblant d'être frère là parce qu'il avait seulement envié la fille du pasteur. Pour que Manipé, la mine, il a de quoi faire. Que je trompe peut d'être frère. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Il y a des ramassis. C'est la tribu qui t'a ramassé. Ah, parce qu'un Ngolinga et Mulouba, que j'aille aussi, Moukanisa et Abalouba, pour les mon pasteur Mulouba. On t'a droit. Tu vas nous laisser. On t'a droit. Pour demeurer ferme, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Et pour être baptisé du Saint-Esprit, cessez d'être religieux. Soyez obéissant à toute la parole de Dieu, car Dieu baptise du Saint-Esprit ceux qui obéissent à sa parole. C'est vrai. Je devais vous lire encore quelque chose. Diacre, ne manquez pas de me signaler. D'ailleurs, faites ça quand il reste 10 minutes pour que je sache. À pas à 5, 10. Il faut pas mal. Lettre circulaire mars-avril 2007. Oui. Ah, c'est ce que nous venons de lire. Ah. C'est vrai, que Dieu soit loué. Je prends maintenant Apocalypse. Livre scellé de sept sceaux. Page 89. Écoutez. Seuls les véritables enfants de Dieu. Pas les membres du tabernacle. Parce que je chante bien pour Dieu, parce que je suis diacre, parce que je suis ancien, parce que je suis pasteur, je suis... Ces choses n'ont rien à voir. Non. Nous serons rétribuer pour ça. Mais pour échapper à la chose qui vient, seuls les véritables enfants de Dieu s'opposeront à cette tromperie religieuse des plus grands. Réunissons-nous, nous avons un seul Dieu. C'est une tromperie religieuse. Et seuls eux résisteront aux trompeurs. Les trompeurs, c'est le pape de Rome. Avec l'image de la bête. Il n'y a que les vrais enfants de Dieu. Le Fofong dit, les uns, avant l'enlèvement, c'est nous là. Les autres, après l'enlèvement. Il y a les élus. Et il y a les appelés. Je veux dire clairement, les vierges sages et les vierges folles. Il n'y a que cette église-là, ce groupe-là, constitué en moitié des vierges sages. Parce que le Seigneur parle de 5 vierges et 5 folles. Le groupe du Seigneur divisé en deux. Une partie sage, une partie folle. Mais toute l'église du Seigneur ne tombera pas. Toute l'église entière, vierge sage, vierge folle, il n'a n'adoreront pas, ils résisteront les uns avant l'enlèvement, malgré la pression. Joba Eli, Joshiava, Aïnashiba ou tabernacle. Quand je dis nous, c'est les baptisés du Saint-Esprit. Et ceux qui n'ont pas le cœur attaché aux promesses de Dieu. Aux promesses. Qui se contentent de la vie éternelle. Qui se contentent de la sanctification. Mais dont la promesse du baptême ne leur dit rien. Ils vont résister ensemble. Mais on va y arriver. Devant cette tentation, Dieu a une solution qu'il a préparée pour les élus avant l'enlèvement. Les vierges folles vont disparaître dans la nature. Mais après notre départ, on va les chercher un à un. Un à un. 3 ans et demi après, on te ramassera. Et on te tuera. Je te l'ai dit au nom de la Bible. Tous ceux qui ne sont pas dedans seront tués. Nous ne serons pas tués. Parce qu'avec nous, à la fin, Dieu va manifester sa gloire. Il n'y aura pas de martyrs parmi les élus. Et même les vierges folles, ne mourront pas avant l'enlèvement. Il est temps, il est. Pendant que Dieu va nous donner solution à ça, ils viendront nous voir pour dire, frère, donnez-nous aussi de ça. Nous leur dirons, allez chez ceux qui vendent. Nous n'en avons pas assez pour nous et pour vous. C'est une solution que Dieu va donner seulement aux baptisés du Saint-Esprit. Batanze kutufuata shimu na shitu hakuna na mtu takufua shimu tusaidie ko na shitu tuine ko imambo. Ce n'est pas nous, leur dirons, ce n'est pas nous qui avons fait cela. Quand il fallait chercher le Saint-Esprit pour qu'à la fin tu sois vainqueur, tu jouais, tu jouais. Maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire? Les uns avant l'enlèvement, les autres après l'enlèvement. Ils vont rester. Et puis, laisse-moi te dire, ce n'est pas facile d'être vierge folle. Amen. ne dis pas. Bon, mais bon, sa ville n'a pas. Il te dit que toi tu le seras. Tu sais, une vierge folle, c'est qui? Elle est vierge. Amen. Elle est au départ vierge. Regarde-toi. Vierge, c'est-à-dire quoi? Puis, s'enfuit. Ni de la chair, ni de l'esprit. La boule bundumba, vous n'avez pas de prostitution. Tu seras vierge folle? Ou t'as quoi, Bikira Mumbafu? Ungari na matouchu, ou la chamoula bibia comme une mouille. Insulte d'abord ta femme dans ta maison. Chouye! Bouabouchafu! Dans la chair! Moumouili! Et dans l'esprit! Namuro. Tu crois n'importe quoi! Mounamine et Zurbitugan! Tu penses être vierge? Vous n'avez pas quoi, Bikira? Oh, mais t'as quoi, t'as vierge? Je serai même vierge folle. Toi? Oui, et tout. Tu continues à rosser ta femme. Vous n'êtes là qu'un piga bibiako. Une femme est soumise comme moi. Moi, je suis beaucoup de temps, ça va, oui. Et tu es vierge en quoi? Et un Bikira Mounini. Je te disais, les vierges, même si elles sont folles, la folie des vierges est folle, c'est quoi? Je vous ai dit ça. Ni pas comme un baptême du Saint-Esprit. C'est seulement concernant le baptême du Saint-Esprit. Écoutez, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas ça la sanctification. Ce n'est pas ça la justification. Mais elles sont vierges. Ça vient de mon tabernacle, mon tabernacle, ta vierge folle. Tu te trompes, toi. On a dit longo, fait on a dit tanganya. C'est bon. Oh, ben c'est ma église, t'as tenir. Jour na homme tabernacle, l'église va tenir. Jour na quoi? Où qu'a dit l'église y'a ouais. Tu deviens l'église toi. On te connaît ici à Kambo, on te connaît bien. Ben a coupé un musulman mon Kambo. On sait que tu es un faux frère. Ben a dû assumer qu'on touche ou à Bongo. Vous me pardonnerez, hein? C'est comme ça que. Des fois la folie me saisit. J'aimerais, est-ce que j'ai dit ça? Oui, c'est ça. Donc, nous croyons que ce message a un seul but, nous amener au baptême du Saint-Esprit et être enlevé. Ce message n'a pas deux objets, deux éventualités. Ce message ne forme pas de vierges folles. Il n'a pas été envoyé aux vierges folles. Ce message a été envoyé aux vierges sages. C'est la vérité. Ce n'est pas que si ça te rate en sage, ça va faire de moi-même une folle. Je ne fais pas du théâtre comme ça. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, tu seras envoyé toi, Branham, avec un message qui préparera ma seconde venue. Ceux qui croient ce message, ce sont des voyageurs à destination du ciel. C'est vrai. Dans peu de jours, quand cette parole de poids sera prononcée, nous interdisons de nous réunir, nous interdisons de prêcher, nous serons dans les mêmes conditions que Anania, Azaria et Michaël. Les trois amis de Daniel, que nous connaissons sous le nom de Meshach, Shadrach, Abednego. Les conditions dans lesquelles ils étaient, le temps me manque, mais vous connaissez l'histoire. Frère, Ni bintu bya kwanchika kama bina kufikia c'est que tu n'es pas vrai croyant. Si, kama uno mwaminifu wakua, tu vas fuir. Tu vas tomber. Utanguka. C'est dans ces conditions-là que nous serons bientôt. Sasa hivi. Vous lirez cela dans Daniel chapitre 3. Daniel, allez lire tout le chapitre. Sura, il y en a même qui portent le nom de Shadrach. Qui s'appelle Shadrach? Ah, kukuna wale wanabeba jina Shadrach. Nani yako na ile jina? Nani ule wanaita Shadrach? Qui s'appelle Meshach? Nani Meshach? Ok, ils sont là. Ah, bon, il y a Abednego, Abapanga, qui s'est dit. Qui vous a qui l'est fou, qui n'est qu'à. Il y a Abednego, il y en a ici. Koukouba Abednego, nous Anam. Ah, il n'y en a pas. Donc, Aïnandina, ils sont les Boutamou Moukino. Je m'en dis, il n'y a pas que les Boutamou Moukino. C'est seulement des noms qui sonnent bien. Et pourtant, Namouine Shadrach, Namouine Meshach, il est Mandina. Ce sont des noms des idoles. N'imagina Masanamu. Des dieux babyloniens. Il y a Miungo Kumbabeli. Michisema Witoche. Je ne dis pas d'enlever ces noms. On avait donné ça à Azaria, à Anania et à Michaël. C'était ça leur vrai nom. Ça, ce sont des noms des dieux qu'on leur a donnés. Ce qui leur est arrivé, c'est ça qui va nous arriver. Le roi avait érigé une statue. Une longue statue. Un instant, je vous donne ces dimensions. J'avais déjà fait des calculs. Daniel 3. Voilà, juste le premier verset. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées. En mètres, c'est 33 mètres. Mon maître ni 33 mètres à Bourefou. Ma maître ma 30, statue à 33 mètres. Ah, sanamu ya ma maître ma kumitatu na tatu ya maître. Et large de 6 coudées. Munene wa 6 coudées. 3 mètres. Manake ma maître tatu. C'est 3.3 mais on arrondit à 3 mètres. Ah, ni 3.3. 33 mètres en longueur. 3 mètres en longueur. Banana kuchiwe kamuvale. On l'a mis dans une vallée. Pour que tout le monde voie ça. 3 mètres de large. Et cette statue représentait le roi. Il fallait. Quand les instruments de musique sonnent. Tout habitant de Babylone. Fléchisse les genoux. Et adore la statue. Ça représentait un homme. Et aujourd'hui, le diable veut nous amener à l'adorer en adorant un homme. Il fallait qu'eux arrêtent d'adorer Jéhovah et qu'ils plient leurs genoux devant une statue représentant le roi. J'aimerais seulement vous lire la réplique que ces gens ont donnée. Quand il leur a dit au verset 15, lorsque vous entendrez ces instruments, ok, que Dieu vous bénisse, frère. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise d'argent. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ils ont dit quoi? Verset 17, 16. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main. Ils ajoutent, ils disent, même s'il ne nous délivre pas, alléluia, même si nous brûlons dans le feu, et écoute, mieux vaut qu'on aille brûler. Parce qu'il n'est pas obligé de nous sauver du feu. Il peut ou n'est pas. S'il ne le fait pas, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. C'est ce que nous ferons, frère. Dans peu de jours, devant la pression qui viendra. Oh, le temps me manque, frère. Sinon, je vous lirai. Le frère Branham dit, attendez-vous à ce que vous soyez effacés. On va nous priver le droit à la vie. Personne ne sera engagé comme mining. Ceux qui sont dans les mining seront chassés. Oh, Nikuna Machamba. Où est-ce que tu as ton champ, toi? Personne n'ira au champ. Même les droits à l'internet, nous l'aurons pas. Sachez-le bien. On va nous priver de tout. Le courant, la régie des eaux. Tout sera coupé. Voyager, où est-ce que tu vas voyager? Où est-ce que tu vas voyager? Commerce, quel commerce tu dois? Frère, beaucoup vont nous laisser. Beaucoup vont dire. Les enfants vont dire à leurs parents. Où toi tu vas te tout foutre? Laisse-nous. Ouais, au cas université, y'a quoi? Toi, tu vas étudier quelle université? Et le frère Branham dit, lorsque vous serez coincé, acculez, il est dit, donc, tournez le regard vers Jésus. Lorsque vous serez dans cette situation, observez le troisième poule. Alléluia. Frère, le Seigneur ouvrira le ciel. La puissance du Saint-Esprit descendra. Comme elle était descendue sur Frère Branham, je ne peux parler que de ce seul cas dans la maison de la sœur, dans la maison de la sœur Hattirite. Le Frère Branham avait senti la maison comme ébranlée, la puissance descendre. Et la voix lui a dit, donne-lui ce qu'elle demande. Toi, Branham, donne-lui ce qu'elle demande. Branham a dit, sœur, demande-moi tout ce que tu veux. Je te le donne maintenant même. Moi, Branham, je te donne ça maintenant. Tout ce que tu veux. Aliwaya wayaka, vous connaissez l'histoire. Talomba nini, frère Branham. Talomba nini. Mais tu as une soeur malade ici. On a beaucoup prié pour elle. Elle n'est pas guérie. Demande sa guérison. Tu es pauvre, tu n'as pas d'argent. Pendant que Branham lui parlait, l'esprit l'a aidé. Parce que cette puissance descend pour résoudre un grand besoin. Et nous serons dans un grand besoin. Besoin de survivre. Parce qu'on nous aura privé de tout. Dieu va descendre. Chacun des élus entendra de son oreille la voix de Dieu qui lui dit, prononce un mot. Parle. Ça va arriver. Parle. Ça va arriver. Et nous parlerons. Et les choses arriveront. Le Dieu du ciel va prouver qu'on ne peut pas évincer son peuple. Parce que lui est créateur. Quand les enfants ont vu que leur mère avait échoué, ils ont commencé à rire. C'était deux garçons. Le plus grand besoin de la sœur Rite, il n'a pas nourri. Branham, on est péco au cov. Donne-moi les salut. Yababa Toto. Des enfants. Branham. Branham. Apanamoum. Branham. Branham. Donne-moi le salut. On est pâti au cov. Dieu lui a dit tout ce qu'elle va te demander. Donne-le-lui. C'est ça. Le ministère de la parole parle. Nous parlerons. Et les choses arrivent. Branham dit, je te le donne. Sur place. Ils sont tombés. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont expérimenté la répentance. repentant. Parce que c'est ça le début du salut. Ils ont pleuré et ils ont été sauvés. Cette chose-là, c'est ça la solution que Dieu va donner aux baptisés du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Après cela, ça sera dans un court moment. Le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Amen. Les morts vont ressusciter. Et nous les vivants, nous serons changés. Ensemble, nous quitterons la terre. Que Dieu vous bénisse richement. Sorry. Okay. C'est trop plein ici, hein. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Qu'il vous bénisse encore. Amibariki tena. Nous vous disons au revoir. Tuna milaka. Par la grâce de Dieu, on se revoit. Wanema ya Mungu, tutaonana tena. Je remercie les diacres qui m'ont aidé à terminer. Ashukuru shemashu la nisaidia kumaliza. Sinon... Maria Barfia Kuchunga Pawe. Vous pouvez rester ici attendre. Merci beaucoup.